Donc, nous avons vu deux manières d'exprimer le futur. Soit le présent, tout simplement, hein, soit la construction avec le verbe « aller », qui est très pratique parce que, en cas de doute sur le verbe qui suit, hein, quand vous pouvez utiliser « aller », ça vous donne le temps de réfléchir. Et, comme en français, il existe un troisième moyen d'exprimer le futur. C'est, bien sûr, le futur à proprement parler. Et comme en français, on le forme à partir de l'infinitif. Prenons par exemple « je parlerai ». Parler se dit « hablar ». Hablar. Et pour dire « je parlerai », il suffit d'ajouter à l'infinitif « hablar » la terminaison « et », hein, un accent aigu. « Et ». Donc, à l'oral, c'est sur cette terminaison qu'on insiste. On accentue la terminaison. Alors, je parlerai, ce sera... Hablaré? Non, c'est la terminaison qu'il faut, pour ainsi dire, frapper. Hein? C'est la terminaison sur laquelle il faut insister. Hablaré? Hablaré, oui, hablaré, hein? C'est-à-dire que le R de hablar suivi d'un E accent aigu est la marque du futur de la forme avec « je », hein, de tous les verbes. Donc, si vous voulez dire « je mangerai plus tard »,« comerai más tarde ».« Comerai más tarde », oui. Et « je l'achèterai ». »« Lo que comprerai Oui, oui, mais insistez bien clairement sur la terminaison. Lo compraré. D'accord. Lo compraré. Hein? Et je le vendrai. Lo venderé. Accentuez toujours la terminaison. Lo venderé. Une seule syllabe accentuée. Et au futur, c'est la dernière syllabe. Hein? La terminaison ré. Lo Bendere. Lo bendere. Hein, d'accord. Bendere. Prendre, c'est tomar. Donc, je le prendrai, ça sera... Lo tomare. Bien. Hein? Lo tomare. Donc, pour le futur, on a la terminaison re, à la première personne du singulier, hein, avec je, et remos, à la première personne du pluriel, avec nous. Re et remos. Re et remos pour tous les verbes, c'est-à-dire le R de l'infinitif suivi de et hemos. Alors, encore une fois, si prendre se dit tomar, je le prendrai se dira lo tomaré. L'automaré. Et nous le prendrons. L'automaremos. Non, c'est le même ré accentué que dans tomaré, mais vous y ajoutez mos. Alors, l'automaremos. Bien, l'automaremos. Et comment dites-vous j'y commencerai. Commençare. Commençare. Et nous commencerons. Commençaremos. Bien. Commençaremos. Je mangerai. Comerai. Comerai. Et nous mangerons. Comeremos. Comeremos. Je parlerai avec elle demain. Hablaré con ella mañana. Hablaré con ella. Pouvez-vous répéter ella? Ella. Mm-hmm. Hablaré con ella mañana. Nous parlerons. Hablaremos. Hablaremos, oui. Donc, on a le re et le remos. Re pour le je et remos pour le nous. À chaque fois que vous lisez ou entendez « re » ou « remos », quelle que soit la forme qui précède, si vous entendez « blablabla re », vous savez que c'est la forme du futur pour le « je ». Et si vous entendez « blablabla remos », que c'est la forme du futur pour le « nous ». Et ce, quel que soit le verbe.